C'est El Catou, je suis avec Nelson qui est de retour parmi nous. Salut tout le monde. Et Je suis parmi Nio. vous. Et là. Voilà, c'est notre premier numéro de l'année de 2021. Yeah. Parce que les cinémas sont toujours fermés. Ils Bon. n'ont pas ouvert depuis un moment. Voilà. Donc aujourd'hui, on a quatre films à vous présenter. À vous parler. Donc le premier ce sera Bloodsport avec Nelson. Mieux par mal. Voilà. Ensuite il y aura Waiting for the Barbarians de Ciro Guerra avec moi-même. Ensuite il y aura Miles Davis Birth of the Cool, un documentaire de Stanley Nelson avec Neo. Yep. Et enfin nous terminerons par Les derniers jours de Monsieur Brown de Wayne Roberts avec moi-même. Voilà. Donc voilà. Bah écoute, Nelson, vas-y, commence. D'accord. Eh ben, donc aujourd'hui, on va parler de Bloodsport, le film qui a entre guillemets révélé Van Damme, bien qu'il ait fait d'autres films un peu avant. C'est un film sorti en 88, donc réalisé par Knut Arnold, produit par la Canon. Ça résume. Alors, pour vous résumer très rapidement, c'est l'histoire de Frank Dux, qui en fait est entraîné donc aux arts martiaux par le maître Hideyoshi Tanaka. Et en fait, Hideyoshi Tanaka vient à mourir et avant de mourir, je lui dis, enfin, il lui annonce que en fait, il devait participer au grand comité, donc le grand combat, un grand tournoi des arts martiaux qui se passe à Hong Kong. Et le truc, c'est que en fait, Hideyoshi Tanaka vient à mourir et c'est Frank Dux qui va le remplacer. Voilà à peu près le résumé de ce film. Alors c'est un film vraiment, enfin il a pas vieilli quoi, il a pas mal vieilli. Moi je suis toujours malgré que Van Damme il en fait des caisses, hein, on va pas se le cacher. Je suis toujours, enfin c'est les personnages secondaires qui que je trouve toujours cool en fait. C'est moi Bolo Young dedans, c'est vraiment mon perso préféré. Il tout est entier, il ne parle pas il ne parle pas du tout quasiment de tout le film, et c'est un rôle muet, mais franchement toutes les phases qu'il fait, c'est vraiment énorme quoi. Enfin moi je suis vraiment en kiff total. Et on va retrouver dedans des acteurs qu'on reverra souvent chez Van Damme, notamment dans les combattants. Excusez-moi. On va retrouver des acteurs qu'on verra souvent dans les Van Damme, notamment Michel Ketty, qui son vrai nom c'est Mohamed Ketty, qui est un ami d'enfance de Van Damme, et Paul Otrocha, alias Bruce Talion, on a vu dans le nanar de Hong Kong, c'est, je crois que c'est Attack Ninja, ou il y a un ninja dedans, j'ai oublié le nom du film. Mais on les verra souvent dans ces quel films-là. Quel nom tu dis? Paul Otrocha. Paul et Bruce Talion. C'est, alors je retrouverai le film qu'il a fait, mais en fait il a dans les années 80, il s'était fait d'abord connaître dans les films de Hong Kong, dans les films de ninja de Hong Kong. Il en a pas fait beaucoup, mais c'est celui dont va, c'est Ninja Dragon, voilà. C'est Ninja Dragon. Et donc en fait Frank Dux, alors c'est inspiré en fait d'une histoire vraie, seulement il s'est inspiré d'une histoire vraie d'un pratiquant des arts martiaux, d'un maître d'arts martiaux qui s'appelle Frank Dux, et qui est un sacré margoulin, parce qu'en fait il n'y a pas des masses de choses qui sont vérifiables. Il y a beaucoup de gens qui traitent en fait Frank Dux de menteur. Parce qu'il y a énormément de choses qu'il dit avoir fait qui ne sont pas vraies, et ou alors qui ne sont pas vérifiables. Et c'est un peu dans le même délire que Steven Seagal qui affirme qu'il a travaillé pour la CIA durant le guerre du Vietnam. C'est des mecs qui se sont construits un super storytelling quoi. Exactement, exactement. Et donc à partir de là, il y a beaucoup de choses au point que par exemple son éditeur, alors que Frank Dux avait fait sa biographie. C'est-à-dire quoi, graphie? Sa biographie, eh ben, son éditeur a fini par arrêter de l'éditer parce que, y avait trop de choses qui étaient invraisemblables, quoi. Donc, c'est un type un peu, c'est un peu un margoulin. Et en fait, lui et Stallone, pardon, et Stallone et Van Damme, ils ont été amis pendant pas mal de temps jusqu'au deuxième film de Van Damme inspiré de Van Dux, qui s'appelle Le Grand Tournoi, qui est avec Roger Moore et qui est un peu une déception, quoi. Et donc voilà, donc le film, donc pour en venir à comment s'appelle à Bloodsport, c'est un des derniers films, un des derniers succès de la canon. Après, malheureusement, une dispute entre les Meneren Golan et Yoram Globus va faire que va y avoir une rupture et que la société va se splitter en deux puis ensuite fermer. Mais c'est un des plus grands succès de la canon. Et d'ailleurs, à l'époque, Van Damme raconte que il a failli, en fait, ce film a failli ne jamais sortir parce que le premier montage était catastrophique. Et comment il s'appelle, Menachem Golan avait dit non, mais on peut pas sortir ça comme ça, on pouvait pas, enfin, Enfin, ça les va pas mecs ils être font possible. plein de trucs quand même, mais là ils viennent chipoter, tu vois. Ouais, non, mais il a dit ça va pas être possible. Et en fait, c'est Van Damme qui l'a convaincu que lui et le monteur, que Van Damme et le monteur s'enferment dans une pièce et remontent le film. Et donc, il a remonté le film, et à partir de là, on a eu le film qu'on a connu, avec le succès que ça a connu. Véritablement, enfin, au box-office, aux États-Unis, il a fait 11,8 millions de dollars. Autant dire que pour un budget d'1,5 million, tourné en plus à Hong Kong, autant dire que c'est vraiment un gros succès, quoi. Et dedans, on a Forest Whitaker. Alors, je sais pas si c'est un de ses premiers rôles. Mais franchement, moi j'étais surpris de le trouver dedans. Après, voilà, il y a beaucoup de d'artistes martiaux, mais bon, qui vous diront pas Mais grand-chose. il fait quoi, Forest Whitaker? C'est Forest quoi? Whitaker, il joue Forest Whitaker dedans, il joue Robin, qui est un des deux flics qui court après Frank Dux. Voilà. Je croyais que tu disais il fait quoi d'habitude? J'étais là, quoi? Non, mais là, dans trop de choses aussi. Voilà. On va quand même se concentrer, et puis finalement, c'est toi qui n'es pas concentré, Katou. Voilà. Mais en tout cas, les coordinations des combats sont faites par le véritable Frank Dux. Après, voilà, le film, il a eu un succès au cinéma, mais il a eu aussi un gros succès au vidéoclub de l'époque. Et du coup, et puis la bande originale aussi, surtout moi, je suis un très très gros fan du morceau Fight to Survive de Stan Bush. Et Sur Fight excuse-moi to Survive! Voilà. J'adore, j'adore ce sur film. Forest Whitaker, c'est pas son premier rôle en fait. Il a fait plein d'autres trucs en fait, enfin plein. Relativement, il a écrit quelques films avant, genre Ça chauffe au lycée Richmond aussi, ou La couleur de l'argent avec Martin Scorsese, Platoon, Good Morning Oui. Vietnam et Trois Surveillances. Enfin, il avait ces trucs-là avant. Donc D'accord. ça voilà. Après, c'était pas encore le Forest Whitaker avec le Oui, bagage qu'il a maintenant, mais. c'est ça, c'est ça. C'est parce que on est loin encore de l'époque où il jouait Amin Dada, quoi. Mais voilà, donc plus tard, il y a Bolo Young dedans aussi. Bolo Young qui a joué avec Bruce Lee dans Opération Dragon, qui est à la base un culturiste, mais qui a fait énormément de films de Kung Fu fauchés pour Hong Kong. Et qui a une certaine notoriété à travers le monde parce que justement il avait joué son propre rôle dans Opération Dragon, parce qu'il s'appelle Bolo dans Opération Dragon. Et puis voilà, donc quelques temps plus tard, on retrouvera aussi Bolo Young avec Van Damme dans, il me semble, c'est Coup pour coup. Ah, pardon. Je vais vérifier ça tout de suite, mais voilà, on retrouvera Bolo Young dans d'autres film avec Van Damme. Et puis sinon voilà, c'est un des plus gros ouais, c'est Double Impact, c'est dans Double Impact. C'est un des plus gros succès de Van Damme, et c'est celui qui l'a mis sur la main. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Drop Voilà. the mic. Alors, Waiting for the Barbarians, pour moi, c'est un film qui est sorti l'été dernier, en fait, le 31 août 2020, en VOD. J'avais vu la bande-annonce et puis ça sentait vraiment le côté épopée dans le désert, tout ça, bref. Moi, je le matais là-bas parce que voilà, je l'avais mis de côté et il y a un casting qui est quand même assez intéressant. Et sur le coup, du coup, je me suis partie pour me faire deux films de Johnny Depp. Parce qu'avec toutes ces histoires, Johnny Depp, bah ses derniers films, les derniers films qu'il avait dans lesquels il avait joué avant que toutes ces histoires éclatent, bah quand ils sont sortis en pleine tempête médiatique, du coup bah c'est un peu passé à la trappe. Du coup bah c'est deux films qui sont sortis en VOD. Et le premier donc c'est En attendant les barbares, qui est de Ciroguera. Et tu penses que c'est sorti en VOD à cause justement du Covid, tout ça, ou est-ce que ça aurait pu sortir en salle ou pas? Parce que ses précédents films, Aguera, L'étreinte du serpent et Les autres passages avaient quand même très bien marché. Mais je pense en fait il y a un tout en fait, si tu veux, quand tu regardes tout ce qui est sorti en VOD l'an dernier, on en a parlé dans notre top et dans notre flop, que vous pouvez trouver aussi en podcast. Il y a quand même, en fait, d'un côté, on a des gros films où on se dit c'est pas possible, ils auraient pas pu sortir en salle, ils auraient dû sortir en salle. Or, il n'y a pas eu tellement de publicité autour, et j'ai l'impression qu'en fait, il y en a peut-être eu aux États-Unis, j'en sais rien, mais en tout cas, en France, c'est pas des films sur lesquels les distributeurs ont misé. Comme on le rappelle, le film avec Sophia Loren, ou qui, moi, je suis, Oui, voilà, moi, je suis super c'est vrai, étonnée. c'est T'as vrai. Sophia Loren qui joue encore à son âge, et finalement, bah, je l'ai découvert par hasard en surfant un peu sur Netflix, quoi. Donc, c'est un peu curieux quoi. Et pareil, une ode américaine avec Glenn Close, enfin avec pareil un petit casting sympa avec Amy Adams, enfin voilà, c'est voilà, par hasard sur Netflix alors que c'est le dernier Ron Howard quoi. Donc Oui, c'est vrai. je pense il y a aussi que c'est très, enfin les distributeurs sont devenus hyper frileux et que à mon avis Ouais. c'est peut-être pas des films qui seraient sortis en salle quoi. Je Je me pense parce que pose la question parce que tu vas nous en parler dans une minute, Katou, mais est-ce que Wedding Barbarian, c'est pas lié aussi à son acteur principal? Mais si, je pense que c'est un peu ça aussi. Ça Après, fait des peurs. il n'est pas que sur lui, c'est-à-dire en fait c'est pas lui le personnage principal. En fait, il a été le film a été présenté à la Mostra de Venise en 2019 en compétition officielle. A priori, il a rien gagné. Il a été présenté hors compétition au 45e festival du cinéma américain de Deauville, toujours en 2019. Et après est venu le Covid. Donc, et en 2019, bah, les histoires avec Johnny Depp étaient déjà bien engagées. Je pense qu'il y a un tout, c'est-à-dire que les gars se sont pas posé la question, c'est-à-dire que bon, il y avait l'histoire avec Johnny Depp, il y avait le Covid qui arrivait, et du coup, au moment de le sortir, ils se sont dit, elle est plateforme. Ouais, c'est hop, on va pas risquer les emmerdes, hop. Oui, en plus les plateformes, honnêtement, moi je leur dis, c'est quand même une bonne option pour sortir un film et s'assurer d'un peu plus de vues que ce qu'on aurait pu avoir en salle finalement, parce que il dure plus longtemps il peut rester plus longtemps à l'affiche quoi, donc il est disponible beaucoup plus longtemps sur les plateformes qu'il le serait en salle, donc finalement c'était pas plus mal. Donc voilà. Donc en ce qui concerne l'histoire, donc d'En attendant les barbares, ça se passe dans un désert qui est pas précisé, on sait pas où, une époque qui est non précisée mais qu'on devine fin 19e siècle. C'est l'histoire d'un magistrat qui gère un fort qui marque la frontière d'un empire imaginaire. Son administration et ses supérieurs, ils craignent une invasion des barbares qui sont à la frontière et ils envoient le colonel Jol, dont le petit plaisir est la torture. Le rôle du magistrat est joué par Mike Rylance. Le rôle du colonel Un acteur Jol, génial. voilà, le rôle du colonel Jol est joué par Johnny Depp. Donc dans tout ça, en fait, le personnage de Mark Rylance, dans sa routine au milieu des indigènes, bah, le magistrat il a l'air d'avoir oublié avec les années ce pourquoi il était là en fait, et les intentions réelles de ses supérieurs, c'est-à-dire entretenir la colonisation. Il s'agit de retour à la réalité en fait pour lui, parce que où finalement son attention et son empathie vis-à-vis des autochtones est perçue comme de la collaboration avec l'ennemi, surtout lorsqu'il s'attache en fait à une jeune barbare. Et donc voilà, on l'a dit, c'est le cinquième film, si on exclut un épisode télé, hein, mais du réalisateur Ciro Guerra, mais c'est son premier film en anglais, en fait, réalisateur colombien, avec une prod italo-américaine. C'est une adaptation d'un roman de 1980 John Maxwell Coetzee. Moi je le dis comme ça, je suis. Oh, mais non, c'est Coetzee. C'est parce qu'en fait, l'écriture est un peu C-O-E-T-Z-I-E-E. Tu vois, donc, je le dis Coetzee. C'est un auteur australien d'origine sud-africaine. Il est australien depuis 2006. Hein. Donc, bon, le roman a été écrit en 1980. Donc, voilà. Et, donc, en termes de, voilà, il connaît bien la discrimination, tout ça, vu qu'il avait vu que les sud-africains. C'est un sud-africain blanc. Hein. Donc et il a l'auteur du roman également. Un africaneur. Quoi? Un africaneur. Oui voilà. Et l'auteur du roman a signé également le scénario. En fait, il avait écrit le roman à la base dans le but de dénoncer les pratiques colonialistes, l'attitude et le storytelling en fait des gouvernements envers les peuples colonisés. C'est-à-dire cette manière de refaire l'histoire, cette manière de présenter la manière dont il présentait les peuples colonisés, en fait, ce genre de choses. Et en fait, ce côté dans l'histoire qui pourrait se passer n'importe où, n'importe quand, elle est accentuée par le fait en fait qu'ils ont tourné au Maroc avec des figurants venant de Mongolie. Donc, en ce qui concerne les acteurs, alors donc on a Johnny Depp, donc avec toute la filmo et tout ce qu'on connaît de lui. Il y a Mark Rylance. Mark Rylance, en fait, si ça dit personne, parce que c'est vraiment le mec, en fait. Je te dis, tu le vois, tu sais que tu l'as vu quelque part, mais bon, voilà. Là, dernièrement, je l'ai vu dans les sets de Chicago. J'ai passé un bout de temps avant de me dire, mais où je l'ai vu? Parce qu'en fait, il change d'apparence, mais subtilement. C'est-à-dire que tu vois toujours que c'est sa tête, mais voilà, pile ce qu'il faut. Il y a un acteur petit de Spielberg. Alors fétiche, je sais pas, moi j'en ai compté trois films avec Spielberg, donc. C'est déjà pas mal. Hein, Oui, mais de là à dire que c'est fétiche, c'est ouais, voilà. C'est pas comme Hanks, encore que. Ouais, mais je sais pas si à partir de quand on peut dire qu'un acteur est fétiche, tu vois. Enfin, surtout que c'est ces dernières années qu'il a joué avec lui. Enfin, il a joué dans Le Bon Gros Géant, Le Pont des Espions et dans Ready Player One. Voilà, c'est les trois de Spielberg. Après, j'aurais pensé qu'il avait une carrière plus conséquente que ça. Mais en fait, il a fait, voilà, tout doucement, c'est son petit truc. Il a joué dans Institut Benchamata. C'est pas toi qu'on avait parlé dans une vidéo, Mio? Non, mais j'aimerais bien le voir. Ah, c'est peut-être, ah, c'est Geoffrey, peut-être. C'est ouais, ça, mais, le film des frères Coué. Bah, c'est Geoffrey ouais, qui nous avait parlé de ce film. Parce qu'il avait été projeté à l'étrange festival. Et donc, il a joué dedans. Il a joué dans des films genre comme Prosperous Book. Voilà, il a des deux sœurs pour un roi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, c'est des trucs. Voilà, mais il a pas de temps joué ça, tu vois. Entre 97 et 2001, il a rien noté, tu vois. Après, il a sûrement fait d'autres trucs, voilà, mais c'est pas. C'est pas une carrière aussi fournie qu'un mec qui aurait débuté comme lui au milieu des années 80, tu vois, qui aurait jamais stoppé. Je sais pas si c'est parce qu'il a pris son temps ou si c'est parce que finalement il ramait un peu. Mais ces dernières années, non, on le voit pas mal. Tu sais, des fois, ces personnages, enfin, ces acteurs-là, souvent quand il y a une grosse, tu sais, période où ils bossent pas, c'est souvent ils sont profs de théâtre ou tu sais, tout comme ça. Oui, c'est possible aussi, ouais. Ouais, oui, ouais, c'est possible. C'est vrai que j'ai pas regardé, mais c'est vrai qu'il y a plein d'acteurs qui ont une vie théâtrale. C'est pour ça, des fois, souvent, on se dit tel acteur, oh, on l'a pas vu depuis des années et tout, alors qu'en fait, ils ont eu une grosse carrière théâtrale. C'est ça. C'est ça. Bah, en fait, de 95 à 2005, par exemple, Harry Lance, il a été le directeur artistique d'une troupe de Shakespeare à Londres. Bon, bah voilà. De quelle année t'as dit? 95 à 2005. Donc, d'accord. Comme tu disais, oui, bah, ça correspond au truc. C'est à peu près, il a fait 97, il a fait un truc à la télé, mais voilà, après, il a fait des petits trucs. En fait, il a bossé pour la télé pendant qu'il était dans les trucs de théâtre. Donc voilà. Ensuite, Janet Fondy, on a Robert Pattinson. Qui fait un second rôle aussi, voilà. Il y a la je... hein? Il y a la jeune actrice Ghana Bayar Saïkan. Alors vous me direz qui c'est. Bah, c'est une jeune actrice en fait d'origine mongole. À la base, la nana, elle était mannequin. Ouais. Bon, ça se voit un petit peu. Une grande nana toute fine, pas trop mal. Bref. Mais elle a quand même quelques films qui sont intéressants. Hein. C'est-à-dire qu'elle a elle a commencé son premier rôle, c'était Ex Machina. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était Ah oui, avec le robot. Ouais, c'était le film avec Oscar Isaac et Donald Gleeson, et elle jouait une des robots quoi. Elle a joué dans Wonder Woman le premier aussi. Elle joue une Amazon. Ah d'accord, j'ai pas de souvenir d'elle. Ouais, c'est dans quand ils sont sur l'île tout ça quoi. Je pense qu'elle doit être un rôle mineur parce que je m'en souviens même pas. Donc après elle a fait un peu de télé dans Peaky Blinders ou dans une autre série qui s'appelle Intelligence que je connais absolument pas. Bref, c'est une petite nana qui depuis quelques années bon essaye de faire son chemin petit à petit, c'est adorable. Après elle a pas son jeu dans le film n'est pas si foufou, mais c'est pile ce qu'il faut, voilà. D'accord. Je pense que c'est pile ce qu'on lui demande pour le type de personnage qu'elle a. Ensuite, on a Greta Scacchi. Remember Greta Scacchi? Quoi? Greta Scacchi. Ah, Greta, j'ai mal entendu, je sais pas, j'ai quoi? Si, mais Greta Scacchi, quoi. Quand j'ai vu ça au générique, j'ai fait quoi? Et je te jure, j'ai regardé le film, j'avais oublié qu'elle était dedans. Et après, je me suis dit, je suis revenue en arrière, je suis, oh, putain, c'était elle! Elle est, alors Greta Scacchi, hein, débuté dans les années 80, grosse film aussi. Voilà, c'est un truc, voilà. Et finalement, elle a, on dirait qu'elle a, je sais pas, j'avais l'impression qu'elle avait pas tourné depuis des années. Mais bon, apparemment, elle a fait de la télé, un peu de film. Voilà, enfin, elle a pas rien fait, quoi. Enfin voilà, moi c'était une bonne surprise en fait, Greta Scacchi dedans. Et donc, pour entrer dans le vif du film, en fait, le problème c'est que tout le début est très curieux. C'est-à-dire qu'en fait, les moments avec Mark Rylance ne sont pas désagréables, mais le personnage de Johnny Depp en fait vient interrompre une certaine ambiance pour en imposer une autre en fait. C'est voilà. Par la suite, le personnage de Depp disparaît. On suit facilement mais mollement Mark Rylance, mais tout est mou. Même si en même temps Mark Rylance, tu vois, on le suit petit à petit en fait, et c'est comme si c'est très bizarre en fait que le personnage de Depp comme ça en fait, parce que le personnage de Depp a l'air hors du film en fait, c'est très bizarre. Enfin moi je l'ai ressenti comme ça. Et en même temps, c'est ce qu'on lui demande en fait, d'être un personnage qui vient casser comme ça une espèce de routine dans le camp. Ça devient plus facile à suivre petit à petit, surtout en fait quand il s'attache justement au personnage de la jeune femme dite barbare. Il y a une scène très bizarre en fait où il lui lave les pieds qui a pas vraiment de sens. Parce qu'en fait, elle dit oui, elle monte ses pieds, elle dit on me les a brisés, et en fait son premier réflexe ça va être de lui laver. Moi je sais pas. D'accord. Et en fait il s'endort sur ses pieds. Un fétichisme des pieds. Ouais, on t'entend de loin, rapproche-toi du micro. Un fétichisme des pieds comme Quentin Tarantino. Exactement. Et qui, en fait. Voilà, ils sont pas juste seuls, on lui a brisé les pieds, et pince à l'instant, on le voit soigner les pieds, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, justement, j'allais dire, on se demande s'il y a peut-être un fétichisme des pieds, mais en même temps, il prend juste soin des pieds, il les soigne pas, et malgré tout, elle va mieux. Et puis finalement. En gros, c'est pas le pied, du coup. Ouais. Et en même temps. Bravo, Nio. Bravo. Eh, les enfants, vous me laissez parler un petit peu, c'est bien. Pardon. Surtout pour faire des blagues, sérieusement. Des blagues limites. Fais un effort, putain, sur les blagues, quoi. Quitte à m'interrompre, fais-en une bonne, quoi. Donc, elle finit par... il en prend soin. Elle va mieux. On sait pas pourquoi, parce qu'on le voit jamais soigner les pieds brisés. Et en même temps, enfin, va mieux. Tout est relatif. Elle porte des béquilles pendant tout le film. Hein. Mais on voit qu'il y a une différence voilà, sur les pieds. Et petit à petit, elle dort chez lui, il l'héberge. Il y a une espèce de relation un peu bizarre qui enfin voilà, c'est qui, ouais, qui une relation qui peut paraître touchante, mais en même temps, c'est quand même une énième histoire d'un vieux mec qui s'éprend d'une jeune femme en position de faiblesse. Voilà, donc parce que elle est issue du peuple barbare que le personnage de Johnny Depp avait emmené en prisonnier dans le camp, et que lui, le personnage de Mark Rylance, une fois le personnage de Johnny Depp, a libéré en disant allez vas-y cassez-vous. Mais elle est restée sur le fort. Donc, mais elle reste quand même en position de faiblesse parce qu'elle est SDF, tout ça, ouais. Et en fait, bah, il a une espèce de syndrome du sauveur, en fait, en ce qu'il a, enfin, sur la concernant. Et en fait, il la rend pas si heureuse que ça, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment très curieux comme relation. Et ouais, en même temps, c'est assez cliché. Voilà. Un vieux qui sait prendre une jeune nana un peu faible, quoi. Il y a une scène d'interrogatoire, en fait, où la lumière sur Johnny Depp est très très curieuse. En fait, c'est comme si soit ils avaient retouché son visage numériquement et rajouté une ombre également numériquement, ou alors comme si son visage avait été rajouté numériquement sur une doublure, parce que la silhouette du personnage ne bouge pas. Bon, comme le personnage est super rigide, tu vois, bon, c'est pas incohérent, mais c'est très très curieux parce que c'est le seul truc où tu vois un peu qui bouge quand il tourne un peu la tête, c'est le visage de Johnny Depp. Et c'est très curieux cette ombre sur le visage qui fait très artificiel et posée là en fait au milieu de l'image. Mais t'essayes de voir si c'est pas comme pour la moustache de Superman. Non, mais j'ai pas trouvé, mais bon. Ouais, parce que c'est un peu le même délire que Henry Cavill quand il tournait Mission Impossible et que il était en même temps sur Superman, quoi. Dans Justice League. Ouais, mais Superman, on le sait pourquoi la moustache. Parce que c'était un gros film dont on attendait le truc. Ouais, personne n'attend, on attend dans Les Barbares, donc personne va en parler. C'est le genre d'anecdote qui va ressortir plus tard, voilà, vite fait, quoi. On le saura plus tard, ça. Ouais. Voilà, il y a certains plans, en fait, parce qu'à un moment, le personnage de Mark Rylance, du coup, comme il est perçu comme traître, il va être emprisonné. Et en fait, tous les plans dans la prison, en fait, sont pas mal. Parce qu'on sent que c'est là que, pour souligner sa solitude et son enfermement, il a cadré, il a mis en scène au niveau de la lumière, du cadre, tout ça, qui sont bien posés. Et en fait, du coup, le titre En attendant les barbares, en fait, on peut se demander qui sont les barbares en réalité. C'est-à-dire qu'en attendant les barbares, quels barbares? C'est-à-dire que ceux qui sont à la frontière ou finalement les colonisateurs. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a ce dialogue entre le personnage de Johnny Depp et de Mark Rylance, en fait, où t'as Johnny Depp qui interroge le personnage de Mark Rylance, qui dit: vous conspirez avec l'ennemi, le niez-vous? Et en fait, le personnage de Mark Rylance lui répond: je n'ai pas connaissance d'ennemis que nous puissions avoir, à moins que nous soyons nous-mêmes l'ennemi. Et ça, c'est une position, si je peux me permettre rapidement, c'est une position et un questionnement qui est assez classique, justement, dans certains films comme ça qui parlent de colonisation. Après, lui, l'auteur a écrit le roman en 1980. Donc, ça devait être un peu moins classique à l'époque, j'imagine. Surtout que lui, à l'époque, quand il a écrit ça, il était encore sud-africain et il n'y avait pas encore eu la fin de l'apartheid. Donc je pense qu'il y avait un contexte un peu spécifique. On peut aussi se poser la question de ça, justement, de ce postulat, avec les scènes qui évoquent le traitement des 10 barbares, en fait. C'est-à-dire que la scène où le Johnny Depp revient dans le fort et qui réapparaît avec des prisonniers, avec Pattinson qui le seconde, et dans toute cette barbarie, en fait, est assez parlante. On sent tout le décalage du personnage de Mark Rylance qui se reconnaît absolument pas dans tout ça, quoi. Concernant Depp, en fait, avec son air de petit côté SS un peu cyberpunk, en fait, le personnage de Johnny Depp est froid, mais aussi il est franchement soporifique au début. Oh la vache! Je l'ai dit tout à l'heure, tout le début, c'est mou. Mais en plus, il est séparé par ses problèmes. Non, mais en fait, tout le début, en fait, du truc, t'as l'impression que c'est... je te jure, j'ai failli m'endormir. En mettant les échanges, tu... limite piqué du nez quand même. Et en fait, bah, parce que justement, le personnage de Mark Rylance, il est pas bien énergique, surtout au début, donc, ça accentue tout ça, quoi. En fait, le personnage de Johnny Depp, il a souvent l'air décalé, je l'ai dit. Et en fait, j'en viens à me dire qu'il est... Johnny Depp est devenu un personnage tellement particulier dans ses interprétations et dans ce qu'il projette que il faudrait presque construire un film autour d'un personnage concept à lui plutôt que de le mettre dans les films. C'est-à-dire que c'est pas tu c'est en fait faudrait tenter de partir du contraire en fait. Il crée un personnage et on fait le film autour quoi. Ah ouais, carrément quoi. Ouais, parce que j'ai l'impression que plus je le voyais. Après, j'ai vu l'autre film, donc je vous en parlerai, mais sur le coup, je me vois, je pensais à ça en fait. Ça serait à tenter parce que du coup, peut-être que ça donnerait un truc un peu cohérent, je sais pas. Pattinson et Depp en fait font un bon duo de petites saloperies de personnages. Un duo froid et blafard parce qu'ils sont tous les deux très blancs alors que tout le monde est en plein désert. C'est un duo assez efficace en fait. Ah non rien. Ils disent on est trop de crème solaire parce que tu dis ils sont blafards dans le désert. Ouais, c'est un peu moins dérangeant du côté de Pattinson, cela dit, parce que Depp, bon, je ne sais pas pourquoi. Pattinson, il fait un boulot pile comme il faut. En fait, il y a rien de fou, mais c'est plutôt juste en fait. Alors que Depp, des fois, enfin, il peut donner, surtout au début, il peut donner l'impression d'un surjeu, comme beaucoup de ses films en fait maintenant. Donc j'ai parlé de Greta Scacchi qui est méconnaissable. En fait, elle a pris du poids et elle assume clairement son âge. Et je pense que ça peut lui offrir une autre gamme de rôles. Là, par exemple, elle joue une grand-mère pas trop vieille qui élève son petit-fils, quoi. C'est pour ça que je l'ai pas reconnue parce qu'elle a pris du poids en fait. Donc elle est plus dans un format maman maintenant. Alors qu'avant elle était sexy, tout ça, quoi. Et finalement, je trouve ça super intéressant, cet angle-là, en fait, dans sa carrière. Bon, d'une manière générale, je vais terminer là-dessus, en fait. Même si le film prend un bon tiers de la durée pour être vraiment prenant, il reste pas si mal. C'est pas un grand film, mais pas un mauvais non plus, en fait, parce qu'il a une facture honorable. D'accord. Voilà! Ok. Ok. Niyoshu! Oui, eh bien, je ne vois pas vraiment de transition pour montrer. C'est vrai. Ouais. Moi, Et j'ai on choisi. parlait de colonisation, Miles Davis, c'était un noir américain. Voilà, qui est quelque part, on est sur l'oppression, la discrimination. Oui. Hey, t'as vu ça, les transitions, là? Ouais. Bon. Du coup, moi, c'était une semaine un peu thématique musicale avec donc ce documentaire, Miles Davis, The Cool, qui m'a permis aussi de me replonger dans la musique de Miles Davis. Non pas que je l'avais oublié, mais j'ai la période un peu psychédélique, le tournant 38-39 et ce qui est un peu avant, le second quintet de Miles, c'est que du bonheur. Donc, c'est un documentaire de Stanley Nelson. Stanley Nelson qui a une grande carrière dans le documentaire, donc il a quasiment fait que ça. Mais dans tous les genres variés, c'est pas quelqu'un qui va faire qu'un documentaire sur la musique. Là, il a abordé Miles Davis. C'est au cours d'une, en fait, toute une série de documentaires qui s'appelle American Master. Et du coup, il en a fait un par qui s'appelle Miles Davis dans The Cool. Le film est renommé tout juste Miles Davis pour la sortie au Japon, tout ça. Bon, on sait lequel c'est, tout ça. Et c'est un documentaire assez intéressant parce que je trouve qu'il s'adresse à la fois aux fans, tout comme aux profanes. Voilà, je vais expliquer un peu ça en comparant avec un autre documentaire que j'avais vu là dans l'année 2020. J'avais vu sur la même plateforme qui est Netflix, on va pas leur faire de la pub, mais voilà quand même, disons-le où c'est que j'ai vu. J'avais vu Chasing Train sur Netflix, et Chasing Train, pour moi, c'était un documentaire sur John Coltrane pour les nuls. Voilà. Je veux pas être méchant, mais quand on regarde Wikipédia et qu'on regarde le documentaire sur Coltrane, il dit « Oh, ah, dis donc, on est en déjà vu, oh là là !» À part deux, trois passages où Coltrane était au Japon, pour les concerts au Japon, etc., c'était vraiment intéressant, ça sortait un peu de l'ordinaire. C'est un peu ce qu'on a envie de voir quand on a eu un peu le sujet sur Wikipédia, d'autres trucs, hein. Et Miles Davis, Birds of the Cool, justement, donc, s'adresse à la fois, selon moi, aux fans de Miles, qu'à la personne qui ne connaîtrait pas. Et c'était un petit détail. Alors, quand je dis que s'adresse aux fans, par exemple, dans la construction du documentaire, on a parfois des passages avec des dates qui te disent, par exemple, 59, 66, et à chaque fois, quant à la date qui s'affiche, tu as les grands événements qui se déroulent à ce moment-là, très rapidement, tu vas voir une fusée sur la Lune, ça c'était l'homme qui a marché sur la Lune en 69, etc. T'as plein de trucs qui se déroulent, la guerre du Vietnam, tout ça. Et c'est à chaque fois rythmé avec un thème de Miles Davis qui est issu de l'album Miles in the Sky. Donc Miles in the Sky, c'est dans la période un peu où Miles commence à entamer son tournant vers le qui va devenir le jazz électrique de Jazz Fusion. On est en 68 et le morceau s'appelle Paraphernalia. Il reprend juste quelques secondes. Et ça, je trouve que c'est un point de vue, un petit clin d'œil pour le fan qui ne gêne pas du tout au sein du documentaire. La personne qui connaît pas Miles Davis, elle va pas le faire gaffe, mais là, c'est un petit clin d'œil pour le fan qui va y faire gaffe. Et le documentaire, il va se mettre plein de petites choses de manière à ménager le spectateur, celui qui connaît, et celui qui connaît pas vraiment l'histoire de Miles Davis. Alors, après le documentaire, sur la forme, il est assez simple. Ça raconte, un peu comme un biopic, toute l'histoire de Miles Davis, de son enfance à East Saint-Louis. Miles est issu d'une famille une famille noire qui est un peu plus aisée que les autres, avec le père qui est dentiste. Voilà, et Miles va prendre des cours de musique très tôt. Il voulait un peu commencer avec le piano et le violon, et on va le pousser vers la trompette. Et il va très vite, je vais pas dire qu'il va se révéler un petit génie, mais il va aller, par exemple, il va faire l'école, la Juilliard School, école de musique assez renommée, et il y allait dans la journée, mais il dira dans son autobiographie bien plus tard que la vraie école pour lui, ça a été quand il était dans les bars, quand il était dans les bars, quand il était tout jeune, etc., pour écouter les musiciens de jazz, tout ça, c'est là vraiment qu'il va se former. Même si, voilà, je ne vais pas me baser sur son autobiographie, qui est repris par passage dans le documentaire, parce que quand on a lu son autobiographie, il y a pas mal de choses où, là, c'est vers la fin de sa vie, il en profite un peu, on se demande s'il n'en profite pas un peu pour inventer ou pour grossir un peu son ego qui est déjà un peu à la limite d'exploser, quoi, depuis le temps. Du coup, le documentaire, en plus, fait plaisir parce que Miles Davis, finalement, il est mort depuis un moment, mais ça donne la part belle à beaucoup de musiciens et de gens qui l'ont connu, que ce soit des critiques, que ce soit des gens qui ont connu des salles de concert. Alors, ça fait plaisir de voir, par exemple, Herbie Hancock qui parle de Miles, qui évoque Miles Davis, ou bien Wayne Shorter. Wayne Shorter, d'ailleurs, c'est la deuxième fois que je le vois à l'écran après le documentaire sur Coltrane, donc que j'ai évoqué rapidement. Et Wayne Shorter, je me dis, putain, j'ai peur qu'il nous file entre les pattes bientôt, lui, vu son état physique. Bon. Pas de malheur, c'est 2021 là, on est dans une lancée depuis 2020. En réalité, on est dans une lancée depuis 2016, hein, parce que chaque depuis 2016, en fait, on se dit, oh là là, c'est une année noire. Et là, en fait, C'est pas faux, mais il est noir, plus noir que l'autre. ouais, Ouais, c'est vrai. mais j'ai l'impression que là, ça a jamais stoppé. Mais 2020, c'était bien, et on a commencé à 2021, qui est pas terrible, donc faudrait pas porter la poisse. Mais voilà, c'est. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand je dis que c'est la volonté de s'adresser à la fois aux fans et à celui qui ne connaît pas, ils ont engagé un certain. Je sais pas si on peut dire que c'est un acteur. Enfin, il y a un narrateur. Oui, c'est un acteur qui s'appelle Carl Lumbly. Lumbly, Lumbly, qui va faire la voix de Miles Davis. Or, Miles Davis, à un moment, il a subi une opération de la gorge. Et sa voix, elle va se briser, il va avoir une voix comme ça, qui est comme quelqu'un qui part dans le noir, qui a trop fumé. Ouais, c'est vrai. Et ouais, le contraste est étonnant. Et Carl Lumbly va adopter la même voix et va aussi lire des passages d'autobiographie de Miles pour vraiment nous plonger un peu comme si Miles racontait aussi de son côté. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est un point de vue très intéressant qui pousse vraiment le truc très très loin, quoi. Engager quelqu'un qui va essayer d'avoir la même voix que Miles Davis. En plus d'avoir tous les petits interludes, d'engager d'avoir des personnes qui vont parler de lui, tout ça. Après, comme j'ai dit, sur la forme, c'est un documentaire assez basique. Donc, oh, il y a eu un petit bruit, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, c'est C'est encore Kaspersky Nelson. qui vient de me dire un truc, c'est tout. J'ai cru que c'était Nelson qui trituait encore un truc. Non, non, ça va maintenant. Et du coup, voilà, ce que je regrette un peu, mais comme vous me direz, on ne peut pas tout avoir, c'est que du coup, comme ça essaie de brasser quand même assez large, il y a pas mal de choses qu'on peut pas passer. Alors évidemment, le documentaire a le mérite, et ça c'est intéressant, c'est vraiment bien, de parler de toutes les périodes de Miles Davis, que ce soit le bebop au début, que ce soit le premier quintet avec Coltrane, le second quintet qui est un peu moins connu, où pourtant on a des pointures et des killers comme Herbie Hancock, Tony Williams, Ron Carter, et Wayne Shorter justement, qui vont eux aussi, après leur passage Miles, s'est complètement explosé dans les 70 dans plusieurs directions. Herbie, ça va être développé à fond le jazz funk. Mais voilà, s'il n'était peut-être pas passé chez Miles Davis, il serait peut-être pas, justement, il serait peut-être pas passé par là. Wayne Shorter, ça va être avec Joe Zawinul, il va créer le groupe Weather Report, qui est aussi assez monstrueux comme groupe. Et du coup, comme je disais, le documentaire, par moment, il y aura des passages où il va un peu trop surligner les dramas, tout ça. J'ai envie de dire, c'est un peu un passage obligé, d'accord? Par exemple, On sait qu'il y a la ségrégation raciale. Et Miles Davis, à un moment, il va être un policier qui va même pas le reconnaître. Miles Davis, il fume une petite clope dehors à côté d'un bar. Le policier va lui dire de rentrer. Miles, il va dire non, je travaille ici, c'est mon bar. Et le policier va le frapper, etc. Bon, voilà. C'est pour ça que Miles Davis, après, quand il va faire des concerts en France, tout ça, il dira que la France va être traitée par un pied d'égalité, l'Europe, ça a toujours été merveilleux. Et tous les musiciens noirs de jazz, de trucs qui sont joués en Europe dans les années 50, 60, etc., ils ont toujours dit qu'ils ont été beaucoup mieux traités en Europe, en Scandinavie, en France, etc., qu'en Amérique, quoi. Nous, cette dépression, quand ils reviennent en Amérique, quoi, c'est fou. Alors, du coup, voilà, on passe sur des passages de drama un peu, j'ai envie de dire, je ne pas des passages obligés, mais on en parle quand même. Et puis, il y a des petits détails un peu qui me gênent un peu. Par exemple, on passe directement de la période, le diacritique qui est en train de créer, à la période un peu carrément funk extrême des 70, c'est-à-dire qu'on va parler d'un album comme On the Corner, qui est un des trucs assez radical, qui aborde vraiment la période avant que Miles il a fasse un silence de 5 ans où il arrête de jouer, on a un silence complet, tout le monde se demande qu'est-ce qui devient, avant son grand retour aux années 80, et qui fait des albums assez extrêmes, vers la période 74-75, des concerts assez extrêmes, ou voilà, qui sont assez violents, on va dire, pour ceux qui sont pas très habitués. Et qu'est-ce que tu appelles par violent? C'est quand même. Par exemple, j'ai cité On the Corner. On the Corner, même les gens qui font du funk ont trouvé ça trop radical. C'est-à-dire que Miles, il va prendre il y a deux morceaux courts et deux morceaux longs. Et les morceaux longs, il y a une rythmique qui est tout le temps la même, presque répétitive, cyclique, et très rapide. Avec du sitar, il y a peut-être deux, trois sitars, des tablas, etc., tout ça. Avec un riff qui est asséné, tout ça, et Miles qui joue très très vite. Mm-hmm. Et au lieu de faire un truc qui serait un peu plus groovy et lassif, quoi. Mm. Enfin, c'est difficile à expliquer. Je comprends. En podcast ciné, c'est le genre de truc que j'aurais envie, et mon cher Nelson, de te balancer en musique plein. je comprends. Mais voilà, par exemple, on parle de Beaches Brew, ça a été une révolution parce que c'est vraiment été le truc qui a électrifié le jazz. Alors, il y a eu une période de tâtonnement avant, pendant 4-5 albums qui font aussi partie de cette période un peu jazz électrique où Miles, il expérimente des trucs. Il y a un moment, il y a George Benson qui est invité sur l'album Miles in the Sky pour tâtonner un peu de guitare électrique. Mais c'est pas encore la guitare électrique, la Jim Hendrix, tout ça qui va débouler juste après. Miles in the Sky 68, c'est le tournant 69 et Benson joue encore la guitare électrique un peu comme les musiciens de jazz qui jouent de la guitare électrique pourraient jouer. Je pense à Grant Green, je pense à Wes Montgomery ou même musique, pas guitare électrique, une guitare plus classique que Django Reinhardt. Ce n'est pas encore la guitare électrique comme Jimi Hendrix peut en jouer, et c'est par exemple par l'intermédiaire de Betty Mabry, Betty Davis, qui était beaucoup plus jeune que lui, qui était beaucoup plus sur la scène rock et fun, qui va l'initier à Jimi Hendrix par exemple à ce moment-là. Il va aussi engager des musiciens qui sont d'horizons divers, qui sont plus forcément que dans le jazz. Joe Zawinul, c'est un Européen. Je sais plus, c'est un Allemand, un Autrichien qui est venu un peu tenter sa chance. Et lui, il est spécialisé dans les trucs, le clavier, synthétiseur, tout ça. Et c'est avec lui, d'ailleurs, qu'il y aura Weather Report. Et du coup, justement, c'est intéressant. On parle de Jimi Hendrix un peu. Miles Davis aurait bien voulu jouer avec Jimi Hendrix. Il l'avait approché, tout ça. Il n'y a jamais pu y avoir de trucs qui a été fait parce que Jimmy, il a commencé avant. Voilà. Mais du coup, on a dans Beaches Brew, mais aussi dans In a Silent Way, le grand virage électrique, on a John McLaughlin. Même la Poutine, qui est un guitariste de jazz, mais qui a un jeu très très proche de Jimi Hendrix, un jeu vraiment intense, violent, etc. Et on n'en parlera pas du tout dans le documentaire. Là, tu te dis, what? Ouais, il manque souvent des trucs dans ce genre de doc-là. Hein. C'est ouais. Classique quand même. Après, ça dépend sur quoi ils avaient envie d'orienter, parce que tu peux pas non plus évoquer. Tous les aspects d'une vie ou d'une tranche de vie, en fait, il y a un choix à faire pour orienter le documentaire, quoi. Donc, faut voir quel axe ils ont choisi de traiter en préférence. Mais c'est ça, mais c'est très bien déjà qu'il ait parlé de Beaches Brew, qui est un album quand même assez connu du grand public qui s'intéresse à ça, et d'avoir aussi évoqué On the Corner, qui est là, qui par contre n'est pas du tout connu du grand public. Mais je pense aussi que pour des questions de temps, parce qu'il dure presque 2 heures, il dure 1h54, donc voilà, quasiment 2 heures. Je pense que c'est pas mal vraiment pour en 2 heures essayer d'avoir la volonté de brasser large et d'aborder par des petits points, etc., des trucs qui peuvent être un peu plus complexes. Voilà, j'ai envie de dire qu'ils ont presque tout dit, de la naissance de Miles jusqu'à sa mort, etc., son retour aux années 80. Donc, comparé, ce sera mon mot de la fin, comparé au documentaire sur Coltrane, qui était un peu John Coltrane pour adultes, là, c'est vraiment pour tout public, et si ça peut donner envie de s'intéresser de Miles Davis, etc., moi je dis c'est banco, quoi, top là. Ouais. Ouais. C'est pas un Voilà mon truc, avis. c'est ouais, c'est tout public aussi, quoi. C'est pas un truc forcément pour les initiés. Non, C'est pas non, non. un truc. Justement, il y a des, comme j'ai dit, des clins d'œil pour les initiés et les fans, mais c'est une volonté d'un grand public, donc je crois que tout le monde y trouve son D'accord. compte. Et c'est ça que je trouve vraiment mieux que le Coltrane, c'est un peu du Wikipédia pour, voilà, recopier. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Voilà, Walou. Ok. Moi, je vais continuer avec un film qui a trois titres, qui est Les derniers jours de Monsieur Brown. Titre français, en tout cas, sur le titre français disponible sur Prime. Voilà, ça s'appelle comme ça. Après, au générique, nous avons un autre titre qui s'appelle Richard Says Goodbye, qui est aussi le titre français évoqué dans IMDb aussi. Et en fait, le titre original, c'est The Professor. Donc, voilà. Je me C'est un... demande d'ailleurs, Katou, s'il n'y a pas eu. Parce qu'il y a déjà un film avec Alain Delon qui s'appelle Le Professeur de Valerio Giollini quand Alain Delon tournait à la fois en Italie et en France. Donc, quelle date est ton film? Si, il est sorti il y a 2 ans, hein. Je veux dire, c'est pas très, enfin, c'est très générique comme film, comme titre. Il est de 2019. Oui, d'accord, ok, Et parce que si j'étais Alain, il est j'avais sorti le pas 30 juin 2019 sur Prime. Ok. C'est très générique, hein. Je suis sûre qu'on peut trouver 20 000 films qui s'appellent The Professor. Ouais, clairement, clairement, ouais. Et en fait, il aurait pu être baptisé en opposition au film avec Johnny Depp de tout à l'heure qui s'appelle En attendant les barbares. Il aurait pu se baptiser En attendant la mort. Oh. Il aurait pu se refaire baptiser comme ça. Hein. Ça résume un peu le film. En fait, l'histoire, c'est un prof d'univers. Le film est de Wayne Roberts. Voilà. Le film parle d'un professeur d'université qui ouvre les vannes après avoir appris être en phase terminale d'un cancer et que sa femme le trompe avec son boss. Sexe, drogue, combattre l'hymocrisie, etc. Tel est son nouveau mojo en attendant la mort. Voilà. Ah ben ouais, tu m'étonnes, ouais. Donc, le réalisateur, il a fait que 2 films. Écrit et réalisé 2 films. Le précédent s'appelait Cathy Says Goodbye. L'histoire de Cathy Says Goodbye, c'est aussi un truc super drôle. C'est une jeune fille de 17 ans qui vit avec sa mère dans le sud-ouest américain et elle a envie que d'une chose, c'est quitter son job de serveuse et partir à San Francisco pour débuter une nouvelle vie. Et Il histoire a de... déprimé notre cher Robert. Ouais, c'est ça. Et en fait, histoire de faire un peu plus de volets, en fait, elle commence à se prostituer, elle couche avec des clients un peu différents, voilà, des mecs par-ci par-là. Et un jour, elle rencontre un mec qui est garagiste, qui est un ancien taulard, il tombe amoureux et il découvre qu'elle se prostitue. Donc, ça c'est le pitch de son précédent film, qui était un drame. Alors, je l'ai pas vu. Est-ce que c'est comme là, en fait, qui démarre sur un ton qui peut avoir l'air pas drôle, mais finalement, s'il y a des petits moments de comédie comme ça, en fait, parce que c'est un peu plus léger quand même, parce que je sens le personnage, comme il se veut un peu désinvolte, en fait, du coup, personnage de Johnny Depp, bah, en fait, ça dédramatise le truc, quoi. La construction du film, en fait, elle se fait par chapitre, ce qui fait que ça donne une forme plutôt classique, parce que c'est pas la première fois hein, qu'on voit ce genre de truc, chapitre 1, gnagnagna, chapitre 2, gnagnagna. Le seul truc, c'est que la gestion des chapitres, en fait, elle est pas très égale. Alors, les premiers chapitres durent des plombes, et les derniers, en fait, des fois, ils passent en moins de 2, quoi, tu vois. Donc là, tu dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Soit ils ont cuté vachement sur la fin au montage, soit c'est super mal géré à l'écriture, quoi. Mais les films de chapitrage comme ça, c'est souvent ça, hein. Il n'y a pas Oui. beaucoup de films où, genre, les chapitres, tu vois vraiment le truc défilé avec un temps précis, etc. C'est souvent ça, hein. Ah bah peut-être, mais il faudra pas justement. Donc, Ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. les acteurs, donc on a Johnny Depp, donc qui fait le rôle de Richard Brown. qui est en fait un Richard enfin j'en parlerai plus tard pour son interprétation, mais bon bah, on rentrera pas. Il y a Rosemary DeWitt qui joue sa femme. Rosemary DeWitt, ça évoquera rien là comme ça, mais en fait moi je l'avais découvert dans une série qui s'appelait United States of Tara, qui était en premier rôle. Il y avait Toni Collette qui jouait une mère de famille qui avait plusieurs personnalités. Ah oui, c'est vieux ça. Ouais. Enfin, vieux, les années 2000. Attends, mais bon, voilà, c'est à partir. Attends, attends, c'est, je te l'ai dit. Hein, c'est pas si vieux, en fait, c'est 2009-2011. Hein, donc... Ah d'accord, ok. Bon. Bah, le truc, c'est que maintenant, il y a tellement de sorties qui sortent à l'année que quand il y en a une qui est sortie, t'as l'impression que ça fait 20 ans, quoi. Elle a joué elle a une bonne petite carrière parce que tu sais, comme c'est la nana qui pas, c'est la fille en fait qui a pas un visage hyper beau, enfin voilà, un visage lambda surtout, et en même temps elle est solide quoi, elle est charismatique, elle est solide, et en même temps elle peut dégager une certaine classe, donc du coup elle est parfaite pour jouer la femme d'un tel ou un tel, mais la femme crédible quoi, pas la, parce que souvent quand t'as des personnages d'hommes connus, c'est on leur adjoint une nymphette qui a 20 ans de moins, enfin voilà, ouais, c'est qui est super jolie, tu te dis comment un mec comme lui peut être marié avec une nana, c'est dans la vraie vie s'il a pas pété de thunes, enfin voilà, c'est fait des cons. Ah pardon. Qu'est-ce que ça dit? Non, je disais, tu dis, comment ça se fait qu'une nana aussi jeune et jolie avec un mec comme lui, et là je dis mais parce que tous les mecs qui ont le même âge que nana, c'est des abrutis. Oh, okay. Bon, comme beaucoup de gens, elle a joué dans Black Mirror aussi. J'ai pas, en fait, c'est bizarre parce que oui, elle a joué dans La La Land, mais je pense pas que ce soit ce qu'on la retienne le mieux. Voilà, enfin, c'est une nana qu'on a forcément vue un moment ou un autre. Il y a Danny Houston aussi. Yeah. Danny Houston, alors. C'est la, pareil, la tête du mec, tu l'as forcément vu quelque part, oui. Parce que le mec, il fait les seconds rôles depuis des plombes. Il commence à avoir une certaine notoriété quand même. Il est habitué à jouer les méchants souvent. Enfin, pendant des années, il a joué les méchants. C'est vrai que ces dernières années, ça s'est un peu adouci sur le type de rôle qu'il jouait. Donc ouais, oui, il a joué dans 30 jours de nuit où il jouait un vampire assez effroyable quand même. Accessoirement, c'est le fils du réalisateur de John Huston. Et c'est le frère. Bah, il a un fils et une fille aussi. C'est le frère d'Angelica Huston en fait. Ah d'accord. Et alors attends, parce que du coup, la dynastie Houston ne s'arrête pas. C'est son demi-frère en fait, Angelina Houston. Et il y a un autre Houston qui jouait dans Parabellum, dans Antebellum cette année. Et pareil, c'est la même famille. Donc il a joué les fils de l'homme. Quoi? Il a joué les fils de l'homme. Qui ça, Danny Houston? Ouais. Oui, bon, il a fait énormément de trucs. Hein. Je veux dire, il a une carrière de fou, quoi. Quand il était, quand je l'avais vu dans 30 jours de nuit, déjà sa tête me disait quelque chose et tout. Enfin, bon, depuis 95, en fait, il est dans le cinéma, dans le métier. Il a même joué un rôle en 75, donc mais vite fait, c'était son premier tout premier rôle, et dans un film qui s'appelait La Guerre des Otages. Voilà, donc je pense que ça devait être un ami de papa. Et parce qu'après il a plus rien joué avant 95. Et donc voilà, et c'est vraiment un acteur solide qui il commence à avoir sa petite notoriété ces derniers temps. Moi je l'avais vu dans American Horror Story, comme ça il a rejoint l'écurie des acteurs qui ont joué dans American Horror Story avec Ryan Murphy. Voilà, donc je sais plus, j'avais vu c'était dans un film avec Simon Pegg où il joue le rôle d'un mec super gentil et tout, et en fait j'avais regardé les commentaires DVD à l'époque, je crois que ça s'appelle Un Anglais à New York, je crois, un truc comme ça, et les commentaires DVD que j'avais vu à l'époque, il y avait, je sais plus, le réalisateur ou l'acteur qui disait que ce mec là en fait il jouait tout le temps des personnages de super méchants, alors qu'en fait c'est l'une des personnes les plus gentilles du monde. Donc voilà. Voilà, c'est ça. C'est souvent ça. Et là, du coup, en fait, il est dans le rôle de l'ami, l'ami du personnage principal, qui est éploré parce qu'il va perdre son copain, quoi. Donc, ça lui, finalement, c'est un rôle qui finalement correspond assez bien à sa personnalité, du coup, a priori. Après, dans les rôles, il y a Zoé Deutsch, je sais pas si vous voyez qui c'est une meuf qu'on voit de temps en temps. C'est la sœur de Laurent. Pas du tout. On est sur un film américain, là. Zoé Deutsch, putain, je t'ai dit, si tu m'interromps, c'est pour des blagues qui valent le coup. Oh, d'accord. elle a joué dans la série The Politician, en fait, qui est pas foufou de ces derniers temps. Et sinon, elle était dans Retour à Zombieland, c'est elle qui fait la blonde un peu cervelée. Voilà. Ah, c'est, elle était dans Disaster Artist, mais je me souviens même pas l'avoir vue, enfin. C'est la petite nana, voilà, qui est un peu choupinette et qu'on place de temps en temps comme ça. Elle, c'est pas une actrice exceptionnelle, mais comme elle a une personnalité, elle a un charisme et un charme assez attachant, voilà, bon. C'est pas, on peut dire que ce soit fou, son jeu la concernant, quoi. Elle fait le job pile ce qu'il faut, quoi. Donc la construction du chapitre, on en a parlé. La construction du film par chapitre, on en a parlé. Donc l'histoire, en fait, elle-même, c'est absolument pas nouveau, c'est sympa, mais bon, l'histoire d'un mec qui pète les plombs en apprenant qu'il va crever, bon, voilà, c'est sympa, mais c'est pas hyper corrosif en fait dans ce qui se passe après au niveau de l'histoire. C'est-à-dire que même si le personnage de Johnny Depp est censé le devenir, justement, tu vois, ça reste quand même, tout est très gentil, hein, quoi. Après, le truc, c'est que c'est Johnny Depp sans les froufrous. C'est-à-dire que c'est Johnny Depp dans un personnage normal. Et en fait, ça fait des vacances. C'est pas si désagréable en fait. Et par contre, c'est le genre de rôle qui chourait plutôt d'habitude à un vieil acteur qu'aurait jamais connu vraiment la gloire avant et deviendrait super connu grâce à celui-là, quoi. Et, ouais, et grand classique, ouais. C'est ça. Et peut-être que si on avait eu cette option, ça aurait apporté plus de bouteilles au personnage et du coup peut-être plus de profondeur. D'accord. Mais bon, en même temps, le film, on voit à la fin que le film est dédicacé à la mère de Johnny Depp, en fait, qui est décédée en 2016. Le film ayant commencé à être tourné en 2017, je crois. Donc, on peut imaginer qu'il y avait un certain attachement vers ce film. Les interprétations, donc, je dis, elles sont justes, elles sont pas exceptionnelles, mais c'est pile ce qu'il faut. Il y a une certaine sobriété, en fait, vis-à-vis du décor, du cadre, de l'université, un peu huppée, en fait, qui joue comme une sorte de bulle sur tout ça, qui instaure une certaine simplicité au récit. Le film joue, en fait, sur le contraste avec cette ambiance et le personnage de Johnny Depp qui s'en détache petit à petit. Malheureusement, en fait, on sait pas trop où tout ça va, quoi. Le cul, la drogue, dire ce qu'ils pensent sans restriction, ok, mais pour aller où, finalement? Et par moment, en fait, limite, on s'en fout très presque. Comme ce que devient son mariage, en fait. Son mariage avec le personnage de Rosemary DeVitt, bah, ouais, on se dit, ok, d'accord, il se passe ça. Ouais, d'accord, elle le vit bien, bon, bah, cool, tant mieux. Il y a par contre un très bon choix de casting, je le dis par rapport à Johnny Depp. Danny Huston, il est plutôt solide en poteau éploré que d'avoir à perdre son ami. Et Rosemary DeVitt fait un boulot plutôt honorable dans le rôle de la femme de Depp, quoi. C'est tous deux des acteurs expérimentés avec un petit peu de notoriété, mais pas suffisamment pour ne pas faire d'ombre à l'interprétation de Depp et servir l'histoire. La galerie d'élèves derrière, en fait. Du personnage de Depp est plutôt bien défini, même s'il y a un petit poil caricatural. Ils ont pas pu s'empêcher de mettre la caricature de l'élève féministe, machin et tout, pour se foutre de la gueule. Enfin, voilà, on sent qu'il s'est défoulé. Et le personnage de Zoé Deutsch, justement, bon, elle a une importance relativement inutile, quoi. On devine qu'elle devient un peu amoureuse de son professeur, mais leur relation, qui est assez inexistante, finalement, aurait très bien pu être enlevée du récit pour se concentrer sur autre chose, quoi. Voilà. D'une manière générale, le film, pareil, là aussi a une bonne facture, mais souffre d'une mauvaise gestion du récit, surtout. Voilà, c'est d'accord. Surtout ça. Donc, finalement, le récit est, la réalisation, elle est somme toute classique, voilà, c'est. C'est surtout, ouais, c'est la construction du récit qui est pas, voilà, qui pêche. Voilà, voilà! Bah, c'est tout pour nous, finalement, aujourd'hui. Ah là là, on n'a fait que 4 films, et donc ça faisait longtemps. Une noire fraîche. Tu as l'impression d'un vide. Bah alors, il se passe quoi? Bah là, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles. Toujours pas. Ouais. Bah, n'hésitez pas à partager le podcast. Et bah, on vous dit au revoir. Au revoir, à la semaine prochaine. Bisous.